Vous êtes sur Canal Sud. Nuisances. Welcome. Together now. Thank you. There's something wrong here. Bienvenue sur Canal Sud. Radio du bonheur. Radio de la joie. De l'équanimité. Neutre. C'est ça que nous sommes à Canal Sud. Tous neutres. Oui. C'est ça la radio. La neutralité. La vie, c'est neutre. Nikobix, Nikobix. Il y a quelque chose qui est en train de mourir dans le coin, ça pue, le rat, je sais pas, c'est pourri en tout cas, ça daube. Est-ce que quelqu'un veut bien enlever le cadavre? S'il vous plaît, n'importe qui, oui toi. Ah. Toi là-bas. Enlève le cadavre de là. Le cadavre de rat. Là où il y a l'eau, il y a un bon eau. Son prénom c'est... Eh ? John. Ah ! Moi c'est JP Yeman. Toujours l'enfer dans les studios de Canal Sud, comme d'habitude, Nuisance est là pour vous nuire, comme à elle-même. Ça va Stéphane ? Même que c'est vrai ce que je dis. Je connais Michael. Salut, moi c'est Al, enchanté, on est tous là, on s'aime, quel bel amour. Oui, la vie c'est beau. Ma vie est belle. Lucky boy. Une chanson les gars, elle s'appelle La vie est belle. Ready, baby. Just send me the douche bag. I'll be ready for it. You know. Okay, it's about now the time. Ready to say goodbye. It's the end of Nuisance. Nuisance est fini. Merci d'avoir écouté. Ça fait à peu près une demi-heure que ça dure. Et merci à tout le monde. Merci. Au revoir. C'est fini. La fin. Encore. La fin de la cigarette. Thank you. et c'est maintenant que l'on comprend tout. Oui, c'est à ce moment-là qu'on comprend tout dans l'œuvre de ce truc. Toujours la chanterelle qui pète en premier. Toujours cette maudite chanterelle qui pète en premier. Salut John. Ne dites surtout rien. C'est maintenant qu'il ne faut rien dire. Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Les interférences sont voulues. L'interféron est de mise. C'est le temps de la pause. On se lève doucement sur une pause, certes. It's like the last time I've met somebody everywhere. It was somewhere I don't know, you know what I mean? Don't you know what I mean? I mean, it's there, can't you feel it? Oh yeah, it feels so good, don't it, stupid fuck? It's now you got it. Traduction en fait de l'émancipation, réaction, cet ordre de réquisition. Nous avons perquisitionné jusqu'à notre pouvoir. Le principe là d'être en train de précipiter étant le récipient est toujours de la même couleur. c'est la couleur du récipient qui importe. La première chose qui importe, c'est la couleur du récipient. C'est ça qui m'intéresse. C'est vous, la vérité. Moi, ce que je veux voir, c'est des gens bons, des gens gentils, des gens pas cons comme moi, et des gens qui sentent bon les pieds. Tu veux des pieds qui sentent le frais ? Bon, ben moi aussi je veux des pieds qui sentent le bon, et c'est avec une atrophie mentale non réquisitionnée que je me permets de m'émanciper de la réaction. Tu veux dire quelque chose, petit ? Tu veux dire bonjour à ton papa et à ta maman avec moi ? Salut papa, salut maman. Je suis fier d'être grâce à vous. La vie, c'est beau. Bonsoir, il est 22h sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Vous êtes les bienvenus pour cette envolée lyrique d'une grande épopée fabuleusement transmagasmogrique. Et tout ça, bien évidemment, après 22h, pas de censure. Et donc, j'attends quelques secondes et je vais vous dire dans le derche, peut-être. Que dalle. Oh, putain, j'ai renversé le verre là. Excuse-moi. Je vais recommencer un coup. I got a bad feeling about this job. I got a bad feeling about this job. Where is this gonna go now? Whenever you've got to know the answer to the solution is now or ever. I've never seen before. Will I ever again? Oh no, my god, no. God, good cliché, good cliché, oui, yeah, baby. C'est maintenant ou jamais. Ou jamais, t'entends. Que je chanterai une chanson sur papa et maman qui se touchent dans le lit avec Bobonne. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'on ne comprend plus rien à la vie. Car c'est éternellement con, la vie. Éternellement con. Sternant. Yeah, baby. Dans la baignoire, bébé, laisse-moi me toucher dans la baignoire, je t'aime. Laisse-moi toucher, toucher, me, ouais, dans la baignoire, je suis un gros bœuf. Je veux me toucher, ouais. déchirée, os déshydraté. C'est ça qu'on veut, contre les radiations. Thank you. wishes. Got the best wishes. From the skies. I know how to fade away and gleam away forever. It's comme ça à l'accès, à l'accession. Ce que je dis, alors j'ai parlé en français, c'est à peu près maintenant qu'on comprendra à peu près plus rien, à peu près ce que je dis, rien quoi du tout, à peu près. Je te disais, c'est là à peu près qu'on comprend plus rien à ce qui se passe et qu'il se passe des choses vraiment bizarres. Attention cendrier, poussez-le vers le centre de la table. Oui, bien toi, oui, toi là, oui, c'est bien. C'est bien. Et ensuite, ne vous poussez pas sur les murs, ne pressez pas les contres et ne chiez pas dans les coins. Seigneur. Moi, je tiens à prendre la parole. Hugues, je suis un peu rouge, un peu on m'a tout volé. Parce que je ne ressemblais pas à l'être blanc. Je sais pas, je me fais des pailles stupides. Il y en a un beau quand j'étais gosse. J'allais à la piscine, je vais me noyer. Mais comme mon rêve s'était rasé, le kilomètre de natation. Je sais pas si il y a des kilomètres, c'était après quelques plaques de 800 mètres. Mais c'est ma pensée mutante. Tu vois, je suis allé et je m'explique. Champion 4 neiges aux Jeux Olympiques. Il est 22h30 sur l'antenne de Canal Sud de 92.2 FM ou canalsud.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens, en compagnie de 4 au moins invités. 5 en comptant JP Yema. Nous sommes tous les bienvenus. Je viens enfin. Malvenu, soyez les malvenus. Malvenu, c'est moi. Bienvenue, malvenu, qu'importe, après tout. Tant qu'on est venu hein, au monde, on doit se faire chier à mourir. Et la merde, c'est pour notre gueule. Et oui. C'est ennuyant parce que j'aime pas m'ennuyer. Donc je m'avance des situations. C'est un bâton de fer. Ah, censure, censeur. Règle sur les fleuves, rivières. Ma race, sale espèce. Ah, c'est bon. Une fois, je sais pas comment expliquer. La navigation commerciale. La joie de la compagnie est prioritaire sur la navigation de plaisance. La planète. Moi, les colons, j'ai donc décidé que ce serait Cerno. Montant et avalant. L'avalant. Descendant. Le bateau qui suit le courant du fleuve, de la rivière. Le montant est celui qui remonte le courant. Sur les canaux, le bateau avalant est celui qui s'éloigne du bief de partage. Dans le bief de partage, le sens du courant conventionnel est déterminé par le règlement particulier du canal. Sur un canal latéral, le descendant est le bateau qui suit le même sens de courant que la rivière. Sur les rivières à marée, le bateau qui vient avec le flot, marée montante, est considéré comme être descendant. En cas de croisement, les bateaux montants doivent réserver une route appropriée aux avalants. Autrement dit, les bateaux montants doivent céder le passage aux bateaux avalants. Quel poète de France, on ne te stoppe au moins. J'ai commencé jeune 13 ans, ma tante préférée m'avait dit, si un jour tu sais pas quoi faire, que ton pouce est sorti de la ville pour avoir les voitures qui vont s'arrêter. Ça n'a pas loupé. Un jour, je vais voir ma grand-mère Marie, qui habitait une ville que la mienne, c'était 80 km. Je tourne le pouce. Elle m'a tout seul, mais je vais dormir. Elle m'a dans un château-là. Et quoi, je faisais plus. Elle va faire demi-tour. Elle va monter, je traverse la ville à pied. Et j'ai retenu le pouce. Elle rebelote. C'est un sincère de ma mise à part. Si je n'étais plus, je serais rien. C'est vraiment dommage pour l'éternel, parce qu'il tient à vous. Et ouais, pour moi des autres, papa! There's something very wrong going on here. Ma bibliothèque. We're going insane. For you. On devient fou pour vous. Oui. Dément. Mais démentiellement con. Mais démentiellement con. Ça convient pour vous ce soir. Totalement. Et complètement. Oui, pour vous ce soir. Complètement et totalement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas trop. Ah, tu vois ce que je veux dire, quoi? Ouais, je te comprends. Mais ça m'empêchera pas de te dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. Bien, oui. Tout à remettre dans l'ordre dans ce bas monde. Je te comprends, je suis d'accord avec toi, mais désolé. Eh ben voilà. Voilà où je serai la solution finale. J'avais trouvé un truc pour la solution finale, en fait, c'était la solution pénultième. Donc la pénultième solution est toujours de couper le micro. Tu vas me le couper. Ça marche pas à tous les coups. Donc, à l'antenne de Canal Sud, moi, l'autostoppeur, qui avait 4 fois autour de mon stop, ben, moi, mon histoire drôle, ben, barbu, qui m'a pris en stop, et m'a fait avec l'accent allemand. Bonjour, mon beauté. Déjà, moi. Bonjour, mon beauté. Je suis à moi, ça m'engueule. Nous sommes pas une belle expérience. Le calme est de mise, toujours de bonnes situations et d'augure. Le calme, toujours, comme on disait tout à l'heure. Beaucoup et beaucoup et beaucoup de calme. Il faut, oui, beaucoup de calme pour survivre. Sinon, vous allez vous faire choper, les gars. Je suis désolé. Beaucoup et beaucoup de calme. Toujours pas assez de calme pour nous ce soir. Fais du bien, un peu de calme. Bordel de merde, n'est-ce pas? Nuisance pour nous ce soir, le bonheur est toujours dans le pré, et pas si loin, à Toulouse il y a des prés, pas si loin, à 20, 30 km, je sais qu'il y en a quelque part. Vous allez me dire c'est pas si près, mais moi je vais vous dire, je vais vous faire enculer. I sure do wish I were in hell. J'aimerais bien être en enfer à l'heure actuelle et j'y suis presque. J'y suis presque arrivé. Oh, quelle belle envisageance que la vie éternelle et sempiternelle. La pénultième solution peut-être ce soir enfin. Thank you. Thank you. Voilà, c'était Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens, qui vous dit au revoir, adieu, j'espère. À jamais. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Dans la région toulousaine, vous pouvez la capter mieux si vous êtes un peu loin de Jolimont, car c'est en contrebas de la colline. La colline faisant que l'émission venant de l'antenne est non pas horizontale ou qu'on pourrait croire diagonale en direction du bas, mais bien horizontale et plutôt horizontale vers le milieu entre le bas et le haut. Donc, tout cela fait que la permissivité est toujours de mise dans une réactionnaire émancipation. Soit dit en passant.